بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 74 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et puis juste pour faire comprendre par rapport aux points qu'on va lire dans les cours, dans les points qui vont suivre dans les pages suivantes, en particulier le cours d'aujourd'hui, il y a beaucoup de termes qui sont mentionnés dans cette partie-là, qui sont des termes utilisés par les ou employés par les philosophes, qui sont en réalité des traductions de termes grecs philosophiques. Et donc il ne faut pas penser que ces termes là sont compliqués à comprendre uniquement parce que ce sont des termes arabes. Non, justement, c'est pas parce que ce sont des termes arabes qu'ils sont compliqués à comprendre. Justement, ce sont parce que ce sont des termes philosophiques qu'ils sont compliqués à comprendre. Et la raison de ça, c'est que même lorsqu'on les utilise, ces mots-là, dans leur langue originale, dans leur langue d'origine, c'est-à-dire le grec, et dans les langues européennes dans lesquelles elles ont été traduites par la suite, eh bien on comprend que ces termes-là sont des termes qui sont compliqués à comprendre même dans les langues d'origine. Pourquoi ? Parce que l'emploi de ces termes-là chez les philosophes est différent de la signification qu'on donne à ces termes-là lorsqu'on les emploie dans notre langage courant aujourd'hui. Hein? Donc, il y a beaucoup de termes qui peuvent aujourd'hui, on peut les mentionner, comme par exemple les termes comme par exemple la matière, les termes comme la substance, les termes comme l'essence. Hein? Des termes comme ça donc peuvent sembler parfois simples aujourd'hui parce que on les utilise tous en général quand on discute dans la vie de tous les jours, on les utilise tous dans le même sens, sauf que pour les philosophes à l'époque des philosophes grecs, lorsqu'ils employaient ces termes-là en parlant de la philosophie, eh bien pour eux ça avait une autre signification tout à fait différente. D'accord? Et c'est pour ça que, comme je disais, ça peut sembler simple, mais en réalité, c'est pas simple. Et puis, juste pour vous donner un exemple, le terme substance. Hein, si on regarde dans les définitions, comment les philosophes ils parlent, j'ai trouvé dans des définitions, dans des dictionnaires philosophiques, substance du latin sub, sous, et stare, hein, se tenir, ou sterni, hein, être étendu, ou substantia, mot d'origine scolastique, terme philosophique qui sert à désigner le sujet qui persiste au-dessus des modes et des qualités. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Hein? Déjà là, c'est déjà là, on se pose des questions. On peut définir encore la substance, le sujet invariable de changement, les qualités, hein, les qualités d'une chose, forme, couleur, résistance, pouvant changer sans que la substance qui les supporte cesse d'exister. Cette définition est sensiblement différente de l'acceptation populaire du terme substance. On dit communément la substance du soufre est jaune, hein, le bronze est composé de trois substances, etc. Au contraire, le langage philosophique distingue par une analyse abstraite la substance de toutes ses qualités. Toutefois, un grand nombre de philosophes distinguent parmi les attributs de la substance ceux sans lesquels la substance ne saurait exister réellement ni même être l'objet d'une pensée. Ces attributs constituent l'essence. L'étendue est, pour Descartes, l'essence de la matière, et ainsi de suite. Donc, on voit que l'affaire est compliquée. Et là, il rentre maintenant, il dit, au point de vue de la connaissance, la substance est, selon Platon, l'objet d'une intuition rationnelle. Elle est simplement pour Aristote la première des catégories, l'acte logique par la pensée, hein, par laquelle la pensée rapporte nécessairement tout attribut à un sujet. Donc déjà là, on comprend que l'affaire c'est vraiment abstrait, hein, c'est pas réellement concret. Quand il parle d'essence en philosophie, ils disent en philosophie, on appelle essence d'un être l'ensemble des qualités sans lesquelles cet être ne peut exister. L'essence est donc invariable et s'oppose aux accidents, hein, qui sont variables. Donc, l'histoire de l'essence et des accidents, c'est des termes qui reviennent souvent dans le langage des philosophes. Ok? Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps à ça, c'est juste pour que vous soyez conscients que les termes qu'on emploie dans la philosophie, ce n'est pas nécessairement des termes qui sont faciles à comprendre de façon générale, parce que ils ont employé ces termes-là dans différents sens et de différentes significations. Et parfois, les philosophes, ils ont compris une chose de ces termes-là, puis ils les ont traduits en arabe à l'époque, hein, quand ils ont commencé à traduire les livres grecs. Ils ont compris quelque chose, ils se sont basés sur des traductions, et ils ont compris ces termes-là par rapport à qu'est-ce qu'ils ont donné comme traduction en arabe. Or, la signification de ces termes arabes n'ont pas nécessairement la même signification que ce qui est impliqué dans les termes grecs. Hein, parce que la signification des mots arabes n'ont pas les mêmes que ces termes-là quand ils sont employés dans la langue grecque. Hein. Surtout que le langage des philosophes, comme je dis, des fois, il n'est pas nécessairement en accord avec le langage courant. Et ceci dit, on va commencer maintenant à lire les paroles d'Ibn Taymiyyah, puis essayer de faire notre possible pour essayer de faire comprendre un petit peu le sujet. Mais l'important dans tout ça, c'est de comprendre le but. Pourquoi Ibn Taymiyyah, il parle de ça? Eh bien, il parle de ça fondamentalement, c'est pour faire comprendre d'où les soufis ont pris leurs idées. Et comment ils en sont arrivés à imaginer ou à penser que le wali, hein, peut être meilleur que le prophète ou qu'un prophète, hein. Donc, Ibn Taymiyyah, il explique que cet égarement-là vient du fait qu'ils se sont basés sur la philosophie et qu'ils ont essayé d'interpréter la religion en se basant sur les idées des philosophes. Donc, ça, c'est une des raisons pour expliquer leur déviation. Et donc, Ibn Taymiyyah, il dit ici, وَأُولَٰئِكَ قَدْ أَثْبَتُوا عُقُولًا عَشْرَةً يُسَمُّونَهَا الْمُجَرَّدَاتِ والمفارقات. Donc il dit ils ont affirmé 10 raisons qu'ils appellent al-mujarradat wal-mufaraqat. C'est des termes comme ça qu'ils ont désignés. Puis après je vais essayer de rapprocher le sens avec les clarifications de Cheikh Al-Fawzan par la suite. دي واصل ذلك ماخوذ من مفارقه النفس للبدن. دي la base de ça c'est tiré du fait de la séparation entre le corps et l'esprit. وسموا تلك المفارقات. Ils ont appelé ça les séparations. À cause de la séparation, il dit لمفارقتها الماده وتجردها عنها. À cause de la séparation, on les a appelés مفارقات parce que c'est la séparation de la matière et il y a la séparation de l'esprit et de la matière, des choses comme ça. Il dit asbatul aflak li kulli falakin nafsan. Donc ils ont affirmé des astres, hein, et à chaque astre ils ont affirmé un esprit. Il dit fa aktharuhum ja'aluha a'radan. Donc ils les ont considérés la plupart comme étant des accidents. Wa ba'duhum ja'alaha jawahir. Et d'autres, hein, d'autres les ont considérés comme des essences. D'accord. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cheikh Al-Fawzan il dit بعضهم جعلها أعراضا يقول الأفلاك لا وجود لها في الخارج وإنما هي أعراض والعرض هو ما يقوم بغيره والعرض هو ما يعرض أو يعرض ويزول مثل الألوان ومثل السواد والبياض والألوان التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها هذه الأعراض أما الجواهر فهي الأجرام المركبة أو التي يتركب منها الأجرام يسمونها الجواهر الفارقة التي يتركب منها الجسم ويتركب منها الوجود عند الكثير من هي الجزئيات التي تتركب منها الأجسام bon il dit que certains ils en ont fait des accidents hein, ou bien des attributs c'est comme ça qu'ils les appellent Arad et donc ils ont dit que ces astres ou bien ces objets là qu'ils ont décrits ils ont dit qu'ils n'ont pas d'existence réelle ils existent seulement dans notre esprit c'est-à-dire des attributs qui n'existent que dans l'esprit comme par exemple la noirceur, les couleurs, il dit ça c'est des qualités qui sont attribuées à des objets, mais ces qualités-là, elles ne peuvent pas exister d'elles-mêmes. Comme par exemple, ce bouchon, il est bleu. Mais le bleu, ça peut pas exister. Un bleu peut pas exister tout seul. Il faut que ce soit attaché ou attribué à un objet ou à quelque chose de physique, hein, de concret. Sinon, le bleu, à lui seul, il n'existe que dans notre esprit, dans notre imagination. Bon, il dit donc la noirceur, la blancheur, les couleurs, elles ne peuvent pas exister d'elles-mêmes. Il faut qu'elles existent en quelque chose. Ou bien certains les ont considérées comme étant des essences, et ils disent c'est ce de quoi les corps sont composés. Ce de quoi les corps sont composés, ils les appellent une essence. Donc c'est ça. C'est composé de plusieurs éléments ou de plusieurs parties et ainsi de suite. Donc comme je vous dis, c'est un petit peu abstrait. Il dit وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان كما أثبتت أصحاب Pythagoras, c'est qui ça Pythagoras? C'est Pythagore, oui. Ibn Munsarichus, min ahli Samia. Donc il mentionne le nom de Pythagore, son origine. Donc il y en a qui disent, ils ont dit plein de choses à son sujet, même qu'ils ont dit qu'il était à l'époque du prophète Suleyman alayhi salam qu'il avait de la science dans l'ingénierie et la chimie en tout cas toutes sortes d'affaires ils disent comme Pythagore kama athbatat Pythagore Pythagoras a'dadan mujarrada kama athbatat ashabu Aflatun Aflatun c'est qui c'est Platon oui. Aflatun, c'est l'élève de Socrate. Tatalmada ala Socrate. Lorsque Socrate est mort, il a été tué avec du poison. Donc il a pris sa place. Donc c'est ça. C'est ça. Il dit ici que ces mujarradat qu'ils ont affirmé, c'est des choses. Lorsqu'on regarde réellement, on voit que c'est des choses qui existent seulement dans l'esprit, qui n'existent pas concrètement. C'est comme les compagnons de Pythagore qui ont affirmé des nombres. Hein? Des nombres. Ben, les chiffres, c'est quelque chose d'abstrait en réalité. Hein? C'est des choses abstraites. Donc, il dit de même que les compagnons de Platon également. En tout cas, il dit والأمثال الأفلاطونية المجردة أثبتوه. Qu'est-ce qu'il dit, cher? Cheikh Al-Fawzan dit كلها تخيلات الجوهر والعرض هذه كلها تخيلات عندهم لا وجود لها. Donc il dit le cheikh que tout ça c'est des choses imaginées, hein? L'essence et les accidents, tout ça c'est des choses inventées pour eux, ça n'existe pas. Donc il dit والأمثال الأفلاطونية المجردة أثبتوا هيولة مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah dit donc les exemples platoniques, hein, des objets yani abstraits, ils ont affirmé qu'est-ce qu'on peut dire, ils ont appelé en arabe huyula, ils ont dit c'est des substances, hein, comme la matière, des substances sans forme. Ou bien des périodes de temps, hein, ou des vides. Et ils ont dit que les gens intelligents parmi eux, ils ont reconnu que ces choses-là ne peuvent exister que dans l'esprit, pas dans la réalité. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Huyula, yani hiya al-madda, wa-sura hiya al-mutarakkab min hadhihi al-madda. Donc, Al-Huyula, c'est la matière. Hein? Et c'est comme la substance, et c'est de quoi est composée la sura, c'est de quoi est composée cette matière ou cette substance. Il dit voilà, nahnu ma lana sha'n bi hadhihi al-umur. Il dit nous on n'a rien à faire de ces affaires-là réellement, ça ne nous intéresse pas du tout. Il dit walakin al-shaykh yurid an yubayyin min ayna akhadha as-sufiyya هذا الكلام الخبيث هم أخذوه عن الفلاسفة والفلاسفة هذا مذهبهم. Donc il dit nous on n'a rien à faire avec ces choses là les philosophes ils veulent prendre un cheveu, ils vont le couper en quatre, hein? pas sur sa largeur, sur sa longueur, hein? Ils veulent fendre le cheveu en quatre parties et ça c'est compliquer la vie des gens pour rien. À quoi ça va t'amener de savoir toutes ces choses-là et ces détails-là, d'essayer d'imaginer les substances l'essence de la substance, l'essence de la matière, toutes ces différentes idées philosophiques-là, surtout qu'ils se basent uniquement sur des idées et ils discutent de ça de façon purement philosophique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en science quand on mélange des éléments puis qu'on fait des expériences scientifiques pour essayer de déterminer l'identité d'une matière ou de non, ça c'est eux là, c'est purement philosophique, ils parlent des choses comme ça là, hein, dans l'air, des idées qu'ils sortent pour dire moi je pense que l'univers est créé de telle matière, puis vous connaissez Démocrite, c'est lui qui est venu avec le modèle de l'atome à la base. Il disait il y a tout ce qui existe est créé de petites particules, de petites billes là, puis il dit c'est ça qui compose l'univers. Puis ils disent que c'est donc lui le premier atomiste. Après ça s'est développé, le modèle de l'atome il s'est développé. Maintenant, vous savez où c'est rendu maintenant, hein? La physique quantique, puis tout ça, l'atome, puis tous les modèles qu'ils ont développés pour expliquer avec le tableau périodique, puis les éléments, puis les couches, hein, électriques et tout ça, les électrons, puis les ondes dans lesquelles les électrons peuvent être. On a fait des modèles comme ça en... J'ai fait des cours de chimie organique puis des trucs comme ça. Franchement, ça devient vraiment abstrait là. Ça sort même parfois. On demande si ça sort pas même du domaine de la physique, si ça devient pas justement quelque chose de plus science-fiction. Hein? Ils disent, est-ce que la matière, c'est des, est-ce que c'est pas des ondes à la fin finalement, puis est-ce que la matière existe? Hein? Ça devient vraiment grave, ça devient philosophique. Il dit, parce que si on descend et si on se rapetisse, si on pouvait se rapetisser à une grosseur nano, hein, devenir à une distance nanométrique, on pouvait devenir extrêmement petit, eh bien on pourrait peut-être passer entre les atomes de cette table et se promener dans c'est pour dire que les atomes, quand on les regarde, ça nous paraîtrait peut-être comme des galaxies ou comme des univers, alors que c'est pourquoi, parce que c'est infiniment petit. Mais c'est pour dire que nous, qu'est-ce qu'on voit dehors quand on regarde l'espace, on voit les étoiles, on voit tout ça, ça c'est infiniment grand. Puis il y a d'autres univers, d'autres mondes, si on descend dans qu'est-ce qui est plus petit, puis qu'on commence à voir avec si on était capable de voir à cette grosseur-là, eh bien c'est sûr que on verrait d'autres réalités qu'on ne pouvait même pas imaginer maintenant. Tout ça, c'est Allah qui a créé ça. Mais comme les êtres humains, ils essaient d'expliquer ça, comment ça fonctionne, et d'essayer de comprendre comment ces choses-là ont été créées, eh bien là, c'est là que ça devient de plus en plus compliqué. Plus la science avance, ou plus la connaissance augmente dans ces questions-là, et plus on rentre dans qu'est-ce qui est petit, eh bien plus on réalise que les choses nous dépassent de plus en plus. Donc les philosophes à l'époque des Grecs, ils commençaient déjà à réfléchir à ces choses-là, puis ils essayaient déjà de comprendre ces choses-là. Puis le problème, c'est qu'ils essaient de rentrer ce genre de discussion pour essayer de parler d'Allah. Hein? Ils essaient de comparer ou d'utiliser ces mêmes règles qu'ils utilisent pour parler de la création. Ils utilisent ça pour essayer de définir Allah ou de parler d'Allah et de comprendre Allah. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Hein? Par exemple, juste pour vous donner un exemple de qu'est-ce que je lisais dans qu'est-ce qu'il disait ce gars-là là, qui parlait de la philosophie. Chez les philosophes, il disait la matière, pour les philosophes, la matière, c'est ce que je disais au dernier cours, pour les philosophes, la matière est éternelle. Okay? Il dit donc, si l'on dit que Dieu a créé le monde, ce n'est là qu'une expression métaphorique. Donc ça, c'est pour eux. Donc tu comprends pourquoi maintenant les gens de Kalam, les Jahmiya, les Mu'tazila, Ils ont voulu renier les attributs d'Allah et de dire que tout ce que Allah a mentionné dans le Coran par rapport à ses attributs, que c'est métaphorique, que c'est pas réel. Pourquoi? Parce que ils essaient de comprendre Allah avec leur logique. Hein? Donc ils disent ces philosophes-là, Dieu comme cause première est l'ouvrier de la matière, mais son ouvrage ne peut tomber dans le temps et n'a pu commencer dans un temps donné. Dieu est à son ouvrage ce que la cause est à l'effet. Or ici, la cause est inséparable de l'effet. Et si l'on supposait que Dieu, à une certaine époque, a commencé son ouvrage par sa volonté et dans un certain but, il aurait été imparfait avant d'avoir accompli sa volonté et atteint son but, ce qui serait en opposition avec la perfection absolue que nous devons reconnaître à Dieu. Donc ça, c'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça qu'ils essaient de comprendre Allah et commencer à appliquer des règles de logique pour essayer d'expliquer ça. Donc quand ils ont vu dans le Coran et dans la Sunna que ce que les philosophes ont dit vient en contradiction avec ce que Allah a donné comme description de ses noms et de ses attributs et de sa personne et de son être et de sa connaissance et de ses actions, alors ils ont commencé à essayer d'interpréter la révélation en disant ce que Allah dit dans le Coran à propos de ses noms et de ses attributs, c'est des choses symboliques, allégoriques, c'est métaphorique, c'est pas réel. Hein? Donc ils ont renié les noms et les attributs à cause de ça. Non. Et aussi à propos du qadar, c'est la même chose. Hein? Ils sont rentrés dans le qadar avec ça, et à cause de ça, ils ont voulu essayer de dire non, finalement, il n'y a pas de qadar. Hein? Et Allah, il n'a pas la connaissance absolue de tout. Ou bien ils ont dit, il connaît que les grandes, les choses générales, mais il ne connaît pas les détails des éléments qui se produisent. Donc tout ça, c'est à cause des idées des philosophes qu'ils sont tombés dans ce genre d'égarement-là et dans ces exemples de mécréance. D'accord? Donc, c'est pour ça que yani, ces gens-là, ils se sont égarés. Et donc, il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah ici, nous, on n'a rien à faire avec ces idées de ces philosophes, mais le cheikh Ibn Taymiyyah, il veut faire comprendre d'où les soufis ont pris ces idées et ces paroles, hein, ces sales paroles et ces sales idées qu'ils ont propagées. Ils les ont prises des philosophes. Et les philosophes, voilà leur madhab, voilà leur voie, c'est ça leurs idéologies. Après, le cheikh, il dit, donc lorsque ces philosophes, ou bien lorsque ces soufis, à ceux qui sont venus après, ou ces philosophes arabes qui sont venus par la suite, comme Ibn Sina par exemple, ont voulu affirmer qu'est-ce qui a rapport avec les prophètes et la prophétie, ils ont voulu l'affirmer selon leurs fondements corrompus. Hein? Donc c'est-à-dire qu'ils ont voulu essayer d'expliquer la prophétie selon les idées des philosophes. Alors ils ont prétendu que la prophétie c'est quelque chose qui est obtenu lorsqu'une personne possède trois caractéristiques, il devient un prophète. D'accord. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, yani عندهم ان النبوة تكتسب. C'est-à-dire pour eux, pour ces philosophes là comme Ibn Sina, la prophétie c'est quelque chose qui est acquis. C'est pas quelque chose qui est donné. C'est pas quelque chose que Allah choisit à qui il le donne. Non, quelqu'un peut acquérir la prophétie. Peut devenir prophète de son propre effort. Il dit وليست استيفاء من الله. Donc c'est pas un choix d'Allah. وإنما هي تكتسب بصفات توجد في الإنسان. يعني ثلاث صفات تأتي. Donc il dit c'est seulement trois caractéristiques. Si quelqu'un les possède, si elles sont présentes dans un être humain, eh bien il va être prophète. Donc le cheikh il dit الأول. Donc la première Ibn Taymiyyah, il dit la première caractéristique أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها من العلم بلا تعلم. Ça, il y a des soufis, ils ont cette idée-là. Il dit la première caractéristique, c'est que la personne ait une force de science, une force scientifique. Ils appellent ça une force de sainteté ou quelque chose comme ça, que l'homme peut acquérir de la science sans apprentissage, sans étudier. Hein? C'est comme si la science, elle est naturelle, elle lui vient naturellement. Ouais, c'est ça. Le cheikh dit "Anal biha al-'ilm bila ta'allum", yani bi quwwatihi al-qudsiyya. Hein? Allati hiya bila ta'allum. وهل يمكن أن يوجد علم بلا تعلم في المخلوقين؟ Donc Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, ils disent ces gens-là ils ont cette science sans apprentissage, juste par une force sainte qu'ils ont en eux-mêmes, sans avoir à étudier ou à apprendre. Et le Cheikh il dit, est-ce que quelqu'un parmi les hommes peut apprendre sans étudier? C'est pas possible. Deuxièmement, الثاني, la deuxième caractéristique, أن تكون له قوة تخيلية. يعني تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. Donc la deuxième caractéristique, c'est qu'ils ont une force d'imagination, hein, et ils sont capables d'imaginer des choses en eux-mêmes, hein. Donc ils voient une image dans leur esprit, ils entendent une voix, comme quelqu'un quand il dort, il voit des images dans son rêve et il entend des voix. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est quelque chose qu'ils voient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et yani, ces images-là, c'est ça qu'ils appellent des anges. Les anges d'Allah. Et ces voix qu'ils entendent, eh bien ça c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah selon eux. Yani, c'est comme ça que yani, même les kuffars parmi comme on appelle les psychiatres ou les psychologues aujourd'hui, les psychiatres, quand ils parlent des prophètes, ils disent ce sont ils pensent que ce sont des formes de schizophrénie. Hein? Une fois, j'ai rencontré un kafir comme ça dans un collège ici. Il disait Jésus était schizophrène ou je sais pas quoi. Ils accusent les prophètes d'être des fous en fait et d'imaginer, d'entendre des voix ou de voir des choses qui n'existent pas. Donc eux, les philosophes, c'est comme ça qu'ils expliquent ça, que yani, ils ont une force à imaginer des choses qui finalement n'existent pas réellement. C'est des voix qu'ils entendent en eux-mêmes et des choses qu'ils entendent et des images qu'ils imaginent. Et Cheikh Al-Fawzan il dit yani, تخيل للناس, hein, تخيل للناس, hein, تخيل للناس يقوى على التخيل للناس. يعني أشياء لا حقيقة لها يقول لهم هناك بعث ونشور وجنة ونار وهذه أشياء تخيلها لا حقيقة لها ولكن لأجل مصلحة الناس لكي يبتعدوا عن بعض الأمور غير المناسبة فإذا ذكر لهم الجنة والنار تركوا هذه الأشياء غير المناسبة إذا ذكرت لهم الجنة يمدون في الأمور أو يمدون في يعني في الأمور النافعة أي نعم إلا ما لها حقيقة وإلا ما لها حقيقة إنما هي خيالات وهذا قول الفلاسفة. Donc eux ils disent que les prophètes ou quelqu'un qui devient prophète, c'est parce qu'il a une force d'être capable d'imaginer des choses et de les faire imaginer aux autres aussi. Mais c'est des choses qui n'ont aucune réalité. Donc ils disent, il y aura une résurrection, il y a un rassemblement, il y a un paradis, il y a un enfer. C'est des choses qu'il a imaginées, qui n'ont aucune réalité, selon eux. Hein? Mais il y a un bienfait pour les gens dans le fait de croire en ça, c'est qu'ils vont s'éloigner de certaines choses qui ne sont pas bonnes, et ils vont se forcer à faire des choses qui sont bonnes, et que tu pourras en même temps les contrôler facilement, hein, s'ils croient en ça. Donc tu leur dis qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, ils vont délaisser les choses qui sont mauvaises. Et si tu leur parles du paradis, ils vont se diriger vers les choses qui sont bonnes. Mais sinon, en réalité, ces choses-là n'existent pas vraiment, c'est seulement des choses imaginées. Ça, c'est la position des philosophes. Et c'est exactement la croyance de ceux qu'on appelle les Ismaïliyas. Hein, les Ismaïliyas, les sectes, ésotériques, les Ismaïliyas, eux c'est ça qu'ils croient justement, c'est exactement ça qu'ils disent. Ils disent n'importe qui peut être prophète, hein? Et pourquoi, sur quoi ils se basent pour dire ça? Sur les paroles des philosophes, hein? Et les idées des philosophes. Ensuite il dit Cheikh Al-Fawzan, il dit ليس هناك ملك في الخارج وليس هناك وحي وإنما هذا شيء لصفاء ذهنه وقوته على التخيل صار يتصور أو يعرض له صور في ذهنه وأصوات فالصور هي الملائكة بزعمهم والأصوات هي الوحي وكله ما جاء يعني كله ما جاء من الله سبحانه وتعالى وإنما هذه شيء في نفسه وتخيله. Donc ils disent la même chose, donc les anges, c'est pas quelque chose qui existe en réalité à l'extérieur, Hein? Il n'y a pas de révélation. C'est seulement quelque chose qui est dans son esprit à cause de la pureté de son esprit et sa force à être capable d'imaginer des choses. Hein? Alors, il a inventé ces choses-là, il les a imaginées. Donc, ces images-là sont apparues en lui et ces voix-là. Hein? Et donc, il voit ce qu'il prétend être des anges, des voix, hein, des révélations. Et tout ça, ils disent, ça vient pas d'Allah. C'est seulement des choses qui sont en lui-même qu'il a imaginées. Donc, c'est clair que ça, c'est du kofr, il n'y a pas de doute. Ces paroles de philosophe-là. Le cheikh, il dit ensuite, وَالثَّالِثِ La troisième caractéristique, c'est quoi ? أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي قوى النفس فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصا حية دون انشقاق دون انشقاق القمر ونحو ذلك فإنهم ينكرون وجود هذا. Donc la troisième caractéristique, Ibn Taymiyyah il dit, c'est que il pense que ces gens-là ont une force en eux-mêmes qui leur permet d'avoir un effet sur les substances du monde. Et donc ils considèrent que les miracles des prophètes, les prodiges des awliya et les actes surnaturels que font les sorciers, ils considèrent tout ça comme faisant partie d'une force spirituelle. Hein? Et donc, ils considèrent que ça c'est en accord avec leur fondement. Et donc, par conséquent, ils disent que le bâton qui a été transformé en serpent, tandis que le fait que la lune soit fendue, ça, ils disent, ça, ils refusent d'accepter cet exemple-là. Ils ne croient pas en ces genres de miracles-là. Ils disent, وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامِ Parce qu'il y a des koufars comme ça qui renient l'existence des miracles. Et même chez les gens qui parfois se disent croyants, et allez, tu vois que quand ils arrivent aux miracles des prophètes, ils cherchent à les déformer ou à les interpréter d'une manière soi-disant scientifique. Comme j'ai entendu déjà de la part de certains chrétiens, puis de la part de certains modernistes, parmi ceux qui sont musulmans aujourd'hui et qui ne croient pas en la révélation ou en les miracles des prophètes, comme les nouveaux Mu'tazila, les Mu'tazila modernes. Il y en a une tendance comme ça à vouloir faire revivre les idées des Mu'tazila à notre époque. Donc, ils disent par exemple. Et ça, je me rappelle, j'ai entendu mon prof d'enseignement religieux à l'époque, quand j'étais au secondaire. Je pense qu'il s'appelait Monsieur Bergeron. En tout cas, j'ai oublié son nom. Subhanallah, il nous dit que quand Jésus a marché sur l'eau, comme c'est écrit dans la Bible, ben, il dit que c'était sur la mer morte. La mer morte, il y a beaucoup de sel. Donc finalement, tu flottes facilement sur l'eau parce qu'il y a beaucoup de sel. Hein? Une autre explication qui nous disait quand Moïse a traversé la mer morte, il a dit, il est traversé dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Alors c'est pour ça qu'il a réussi à traverser, hein, sans problème. L'eau, elle arrivait seulement à leurs pieds. Hein. Donc, il ne s'est pas noyé. Et les gens qui étaient avec lui, ils ont traversé comme ça facilement aussi. Oui, c'est ça. Hein? On se demande premièrement, à quel endroit de la mer morte est-ce que tu peux dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau au point que tu peux marcher à pied et traverser ça comme ça, surtout quand il y a un peuple au complet avec toi. Et qu'il y a l'armée de Pharaon qui est à tes trousses en train de te pourchasser pour essayer de te rattraper. Et que tu vas juste traverser comme ça, hein, sans problème. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Puis ensuite, quand ils ont fini de traverser, et l'armée de Pharaon les suit, et puis elle se noie dans cette eau-là. Comment est-ce possible, hein, qu'ils se sont tous noyés dans l'eau, si avec si peu d'eau, hein? Donc c'est là que tu vois, des fois, ils essaient à tout prix de faire des efforts pour essayer de remettre en question ou de nier les miracles des prophètes et les prodiges que les prophètes ont faits, hein, les grandes choses que les prophètes ont faits parmi les signes que Allah leur a donnés. Puis après, tu vois que finalement, leurs efforts et leurs tentatives sont futiles, hein, ils sont complètement absurdes. Ils se contredisent finalement eux-mêmes. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي مَوَادِعَ » Il dit, on a parlé de ça en détail dans un autre sujet, dans un autre livre, pardon, un autre endroit. Et effectivement, Ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle « Nubuwat » dans lequel il parle des détails au sujet des prophètes et il réfute dedans les idées des philosophes et wa alaykum salam wa rahmatullah, des philosophes et des mu'tazila, hein, au sujet des prophètes et ainsi de suite. Donc demandez aux kuffars aujourd'hui, les modernes, les gens de notre époque, hein, quand tu leur dis quand ils parlent de philosophie, puis quand ils parlent de leur loi et de laïcité, demandez-leur, est-ce que vous croyez qu'il y a des prophètes qui sont venus, que Allah a envoyé des messagers? Est-ce que vous croyez qu'il y a des hommes qui ont reçu des révélations divines de la part d'Allah et qu'on est obligé de croire en leur message et qu'on est obligé de les suivre et de leur obéir? Demandez-leur, est-ce que eux ils croient en ça? Et c'est clair qu'ils ne croient pas. Parce que s'ils croyaient réellement en ça, ils n'auraient pas d'autre choix que de suivre. Hein? Donc la seule explication pour que quelqu'un quelqu'un soit laïque, ou quelqu'un dise, non, moi je ne veux pas suivre les messagers, ou je ne veux pas suivre les prophètes, je vais juste suivre les prophètes dans certaines choses, mais pas dans les autres. La seule explication à ça, c'est que c'est quelqu'un, en réalité, il ne croit pas que Allah a envoyé des messagers, et a envoyé des livres et des prophètes pour que les gens soient guidés dans leur vie. Hein? Pas seulement dans la façon d'adorer Allah, dans les questions de prière, de jeûne, de croyance, mais également dans tous les aspects de la vie. Donc le cheikh dit ensuite, وَبَيَّنَّا أَنَّ كَلَامَهُمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ هَذَا أَفْسَدُ الْكَلَامِ وَأَنَّ هَذَا الَّذِي جَعَلُوهُ مِنَ الْخَصَائِصِ يَحْصُلُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ لِآحَادِ الْعَامَّةِ وَلِأَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّتِي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وليسوا عشرة وليسوا أعراضا ولا سيما وأولئك يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما دونه والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. يعني ابن تيمية il dit, alors que leur parole à ce sujet là c'est une des paroles les plus corrompues, les plus insensées. Ils ont considéré que ces caractéristiques-là qu'ils ont imaginées par rapport au prophète, et qu'ils ont dit que si quelqu'un a ces trois caractéristiques, donc il devient prophète, eh bien, il dit, elles peuvent se produire, ou des gens peuvent les posséder parmi la plupart des gens ordinaires, hein, et des gens qui ont suivi les prophètes, ils peuvent posséder ces caractéristiques-là. Hein, ça voudrait dire qu'eux aussi sont des prophètes. Hein? Il dit que les anges dont nous ont parlé les messagers dans le Coran, dans la Sunna, ces anges-là, ils parlent et ce sont des êtres vivants. et que ces êtres-là, ils sont parmi les plus grandes créatures d'Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Djibril, il a dit, Djibril a 600 ailes, il couvre avec un aile l'horizon au complet. Et beaucoup d'autres explications. Donc comment ils peuvent dire, ces gens-là, que les anges sont des choses qui sont à l'intérieur de la tête de quelqu'un ou de l'imagination de quelqu'un, qu'ils n'existent pas réellement? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils sont, le cheikh dit, ils sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Yani, personne ne connaît le nombre. Hein? Personne ne connaît les soldats de ton Seigneur, les armées de ton Seigneur, excepté lui. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ. Donc ce n'est qu'un rappel pour l'homme. Donc ils ne sont pas 10, parce que eux, les philosophes, ils ont affirmé l'existence de 10 uncoul, ils disent 10 raisons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par des raisons. Yani, Allahu a'lam. Ils disent la première raison qui est apparue, elle a créé les autres raisons. Hein, 10, il y a 10 raisons, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont pris ça. Puis c'est une raison agissante, c'est la dixième, la raison agissante. Yani, c'est elle qui est le Seigneur de tout ce qui est en dessous de la lune. Des histoires comme ça, je ne sais pas d'où ce qu'ils sortent ça, mais c'était des koufars, les philosophes, c'est-à-dire c'est des mouchriquins, ils peuvent inventer n'importe quoi, ils peuvent croire en n'importe quoi. Et il y a justement ces philosophes arabes qui ont repris les paroles de ces philosophes et qui ont essayé de les adapter ou de les interpréter selon le Coran et la Sunna. Donc ils ont dit probablement que ça, les raisons dont les philosophes parlaient, c'est probablement les anges. Hein? Ils ont essayé d'interpréter ça comme ça. Donc ils ont dit n'importe quoi. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit وَلَيْسَ الْعُقُولَ الْعَشْرَ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَإِنَّمَا هُمْ لَا يعني يُعْلَمُ عَدَدُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَلَيْسُ قُوَى نَفْسَانِيَةً أَوْ هَوَاجِسْ نَفْسَانِيَةً كَمَا يَقُولُ الْفَلَاسِفَةَ. Alors, الهواجس النفسانية إن كانت ملائكة فهي طيبة وإن كانت خبيثة فهي شياطين وليس هناك في الخارج لا ملائكة ولا شياطين وإنما هي أشياء نفسية فقط. Donc il dit, eux ils parlent de 10 raisons. 10 raisons, et ils disent que c'est ça les anges. Et Ibn Taymiyyah, il dit, ça peut pas être 10 raisons, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup plus d'anges que ça. Hein? Et le nombre des anges, personne ne le connaît excepté Allah. Hein? Donc cette interprétation des philosophes, elle est fausse. Et en même temps, les anges ne sont pas des forces spirituelles ou des forces à l'intérieur de la personne, comme le disent les philosophes. Parce qu'il dit, si c'est une chose positive ou bonne, c'est un ange. Si c'est une force négative, c'est un diable. Hein? Mais ça n'existe pas à l'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'être humain. Donc c'est comme ça qu'il l'interprète, en fait. Des fois, vous voyez, par exemple, dans des pubs ou dans des vidéos, comment ils interprètent ça, ils disent, tu vois tout d'un coup un monsieur ou une personne, puis il y a un bonhomme qui apparaît à côté de lui en rouge et qui dit des choses pour qu'il fasse des choses mauvaises, et de l'autre côté il y a un autre bonhomme qui apparaît, hein, à sa gauche, puis ou bien à sa droite en tout cas, et c'est un bonhomme avec des ailes, puis il est en blanc, puis il lui dit de pas écouter l'autre, comme si l'autre c'était le diable puis lui c'est un ange. Donc c'est comme ça qu'ils imaginent, eux, hein, les choses. Mais comme c'est pour eux, c'est juste dans la tête de la personne, ça n'existe pas réellement. Alors qu'on sait très bien que les djinns, ils existent réellement. Les shayatins, ils existent réellement. Et les anges, ils existent réellement. Et ils ne sont pas, comme le cheikh a dit, ils ne sont pas juste à un nombre de 10. Après, le cheikh, il dit « وَهَذَا كُلُّهُ يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالْإِطْتِرَارِ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. Donc c'est ça. Eux, ils disent, donc, il y a 10 raisons, puis il y en a une de ces raisons-là qui est la 10e, hein, qui a créé les autres, ou bien qui a créé le reste du monde. C'est pour ça que parmi les soufis, il y en a qui disent ça. Que, par exemple, chez les chrétiens, il y en a qui disent, Dieu a créé Jésus, puis Jésus a créé le monde. Donc, le Seigneur du monde, c'était, pour eux, c'est Jésus. Chez les soufis, il y en a qui disent ça aussi. Que, en fait, Allah a créé Muhammad, puis c'est Muhammad qui a créé le monde ensuite. Ou bien que c'est pour lui qu'il a créé le monde, ou bien je ne sais pas quoi. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est des exemples. D'où est-ce qu'ils prennent ces idées-là? Ils prennent des philosophes. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, j'ai dit tout ça. On sait que c'est corrompu et que c'est contraire à la vérité par nécessité de la religion des prophètes. Il n'y a personne... Il n'y a aucun parmi les anges qui a créé quoi que ce soit, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-Mala'ikatu la takhluqu shay'an, li'annahum makhluqun, ibadun lillahi, azza wa jal, bal ibadun mukramun, innama yunaffidhuna awamir Allah, la yasbiqunahu bil qawl, wa hum bi amrihi ya'malun. Haula humul mala'ika, wa hum rusul. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فهم رسل وخلق من خلق الله ولهم وجود يشاهدون ويرون. Donc le cheikh il dit, les anges ne peuvent rien créer parce qu'ils sont eux-mêmes créés. Ce sont des esclaves d'Allah, des serviteurs d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, dans le verset 26 dans sourate Al-Anbiya, بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Ce sont des serviteurs notables, honorés. إِنَّمَا يُنَفِّذُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ. Ils ne font qu'exécuter les ordres d'Allah. Et il mentionne dans le verset 27 dans sourate Al-Anbiya, لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ. Ils ne le précèdent jamais dans la parole. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Et ils ne font qu'agir selon son commandement et son ordre. Hein? Donc les anges n'ont pas d'autre choix que d'obéir et de répondre aux ordres d'Allah. Et ces anges-là sont des messagers d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les utilise comme des messagers. Et il dit dans le verset 1 dans surat Fatir, Ja'ilil mala'ikati rusulan, il a fait des anges des messagers, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', qui ont soit un aile, deux, trois ou quatre, hein, qui ont soit deux, trois ou quatre ailes. Et après il dit Yazidu fil khalqi ma yasha, et il augmente sa création comme il veut en nombre. Donc parmi l'exemple de ça, ils ont mentionné les ulama que Jibril qui a lui 600 ailes. Donc il y a des ailes qui ont, il y a des anges qui ont deux ailes, d'autres qui ont trois ailes, d'autres qui ont quatre ailes et d'autres qui ont jusqu'à 600 ailes, hein. Comme Jibril qui est un des plus grands parmi les anges d'Allah. Donc ce sont des messagers, des créatures d'Allah. Et ils existent réellement, et ils ont on peut les voir, hein. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'on peut pas les voir, mais, ils peuvent être vus par ceux à qui Allah a permis de les voir. Comme l'exemple des messagers, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril dans son état naturel d'ange deux fois, et il l'a vu dans une forme humaine plusieurs fois. Même que les sahaba ont vu aussi Jibril dans une forme humaine, hein, dans le hadith qui est bien connu, le hadith de Jibril, dans lequel il mentionne qu'il est venu pour leur enseigner la religion de l'islam. D'accord? Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, elle dit ensuite, وَهَاُلَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ الْعَقْلِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ يروى أن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل فقال له أدبر فأدبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. Donc il dit que ceux-là, ils pensent, en fait là il parle, il va mentionner un hadith. Et c'est un hadith, après, plus tard, il mentionne que ce hadith-là, il est maudour. Il n'est même pas rapporté dans les livres de hadith. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et on lira demain le détail de ce hadith-là avec son explication, puis les clarifications. Comment les philosophes ont utilisé ce hadith-là, alors que c'est même pas, comme on a dit, c'est même pas un hadith, et que après, par la suite, Ibn Taymiyyah a dit, même s'il mentionne ce hadith-là, si on regarde bien comme il faut, qu'est-ce qui est mentionné dedans, on voit que c'est même une preuve contre eux. C'est même pas en leur faveur. Donc on s'arrête ici, on continuera demain, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.